Assis dans ma chambre, je regarde par la fenêtre les gouttes descendre, les gens qui pleurent un être. Je reste dans l'ombre avec ma feuille et mon crayon. J'espère changer le monde, mais pour l'instant y'a que des brouillons. Tout ce qu'il me faut, c'est un mic et du son, un peu de seum, histoire de trouver l'inspiration. Je craque un spliff, mon esprit fuit, glisse des phrases fluides. Il faut que je réfléchisse, je gratte le papier, couplet après couplet, son après son, histoire un jour de faire du blé. Je parle de trucs qui mettent la rage, j'en ai des trucs à dire, des textes et des messages, j'en ai tout un caddie. Je pose mes idées sur papier, comme on imprime un billet, pour tous ceux qui ont papier, qu'ils aillent se rhabiller. Parce qu'à la base, sortir une suite de phases qui fusent et déménagent, c'est un taf de barge. Je parle de ma vie, je m'interroge, je pose des questions, je refais le monde avec ou sans raison. Je parle de ma rue, des bombes qui me donnent l'inspiration, je refais le monde avec une feuille et un crayon. Je parle de ma vie, je m'interroge, je pose des questions, je refais le monde avec ou sans raison. Je parle de ma rue, des bombes qui me donnent l'inspiration, je refais le monde avec une feuille et un crayon. Je rappe sans cesse, même si ça veut rien dire. Écrire des textes, c'est ça qui m'a fait grandir. Je dors plus, je passe mes nuits à écrire. Je picole plus, j'essaye de m'en sortir. Pas là pour copier, essayer de faire comme les grands. J'essaie de changer le monde, y'a que de l'année sur l'écran. Si je suis là, je dois rien à personne. Le carburant de ma machine à écrire, c'est le seum. Trop de crasse à retracer dans mes versets. Laissez passer, jour après jour, j'essaie. Mais comment faire quand le mental est atteint? J'y pense tous les soirs quand la lumière s'éteint. Si je rappe, c'est pas pour les putes ou le succès. Un son qui vient du cœur, un message à faire passer. Si je fais du son, c'est pour te faire réfléchir. J'aime pas tourner en rond, j'aime pas poser pour rien dire. Je parle de ma vie, je m'interroge, je pose des questions. Je fais le monde avec ou sans raison. Je parle de ma rue, des bombes qui me donnent l'inspiration. Je fais le monde avec une feuille et un crayon. Je parle de ma vie, je m'interroge, je pose des questions, je refais le monde avec ou sans raison. Je parle de ma rue, des bombes qui me donnent l'inspiration, je refais le monde avec une feuille et un crayon. Ça sent le blocage, il faut pas que je flanche comme un lion en cage devant cette feuille blanche. Une feuille et un crayon, c'est tout ce qu'il me faut. Une feuille et un crayon pour te montrer ce que je vaux. C'est tout ce qui me reste pour exprimer mes pensées. C'est ce qui restera quand on parlera de moi au passé. J'ai personne à qui parler, personne à qui dire. Le mal qui est en train de me ronger, le mal qui m'attire. Je parle de ma vie, je m'interroge, je pose des questions. Je refais le monde avec ou sans raison. Je parle de ma rue, des bombes qui me donnent l'inspiration. Je refais le monde avec une feuille et un crayon. Je parle de ma vie, je m'interroge, je pose des questions. Je refais le monde avec ou sans raison. Je parle de ma rue, des bombes qui me donnent l'inspiration. Je fais le monde avec une feuille et un crayon. Je fais le monde avec une feuille et un crayon.